suite, mes intervieweurs sont partis en vacances. Il n'y en avait pas d'autres. Parce qu'il faisait beau. Il est bien gentil. Et puis, reste toi. Et puis, vous autres. T'es pas le seul. Moi non plus. J'espère que tout le monde a passé une belle journée chaude. On va voir si on peut quand même discuter intelligemment. L'intelligence instantanée, c'est le sujet de la conférence. Pour commencer, je pense qu'on pourrait définir ce que c'est l'intelligence. Qu'est-ce que tu entends par intelligence? Bon, premièrement, on peut comprendre que l'être humain sur la planète Terre est à 99,9999% pas intelligent. Merci. Je me suis exclu. Ah oui, les autres. Bon, ça répond déjà un peu à ta question. Oui. Premièrement, l'être humain n'est pas intelligent parce que l'être humain, il se laisse facilement manipuler par la frustration. Comme ce que je viens de dire, peut avoir frustré certains égos. Et ça, c'est la preuve que j'ai raison. C'est pour ça que tu as barré la porte tantôt. Ah, il y a déjà un séminaire que j'ai fait, séminaire intensif d'une fin de semaine qu'on faisait en campagne. Et puis justement, quand les gens arrivaient, c'était sur le haut d'une côte. Il y avait deux grosses clôtures en grosses pierres, comme dans les films d'horreur. Et puis, dans les cantons de l'Est, et puis quand les automobiles étaient placés en haut, puis on a barré la porte, justement, pour que personne ne se pousse. Ça commençait un vendredi soir, et puis j'avais même dans l'idée de dégonfler les pneus, pour être sûr. Ah oui. Alors, je leur ai expliqué certaines choses sur l'intelligence, sur les manipulations, et puis je leur ai dit que je m'arrangerais cette nuit pour que tout le monde ait peur, de façon à ce qu'ils puissent expérimenter ce que c'est que la manipulation, et puis demain, on pourrait commencer le séminaire. Alors, j'étais avec ma petite-fille, puis elle me dit, « Bon, ben cette nuit, on se lève, on va faire peur à tout le monde. » Je dis, « Non, non, laisse faire. Nous, on va aller coucher à l'hôtel. On va faire la nuit tout seul. » Et effectivement, ils ont commencé à s'endormir quand le soleil a commencé à se lever le lendemain matin. Ils sont manipulés toute la nuit tout seul, pendant que moi, je dormais. Alors, effectivement, est-ce que l'être humain est intelligent? Non, l'être humain n'est absolument pas intelligent. L'être humain ne sait pas ce qu'est l'intelligence. L'être humain est intellectuel, par contre, ça, oui. Il est capable d'une logistique. Il est capable d'associer les mémoires dans un but particulier ou selon une trame qui semble pour lui logique. On appelle cela l'intellect. Et on parle donc d'intellectualisme, c'est de l'intellectuance. L'être humain est intellectuant, mais il n'est pas intelligent. La preuve qu'il n'est pas intelligent, c'est qu'il a besoin de réfléchir, il a besoin de penser. Un être humain intelligent ne pense pas, il ne réfléchit pas. Ce n'est pas intelligent de se demander, bon, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent qui pose la question, tu ne le sais pas. Ben oui, c'est pas intelligent de se demander, bon, ben quel chemin je prends. Non, c'est intelligent, tu sais le chemin que tu prends. Parce qu'il y a une nuance extrêmement importante entre connaître le chemin, parce qu'on est déjà passé là, et savoir instantanément que c'est le chemin qu'on doit prendre. Est-ce qu'un animal, lorsqu'on parle d'un animal intelligent en dehors de l'homme, est-ce qu'un animal, lui, est intelligent? L'animal a une forme d'intelligence identique à celle de l'homme, c'est-à-dire que l'être humain a un 5% d'intelligence au travers 95% d'intellectuance, de conscience mémorielle. L'animal a effectivement de l'intelligence comme l'homme, sauf que l'animal n'a pas d'ego. L'animal n'est pas identifié, l'animal n'a pas une présence psychologique dans laquelle il peut se reconnaître. L'animal n'a pas la conscience de la vie, l'animal n'a pas la conscience de la conscience. L'animal sait des choses, mais il ne sait pas qu'il sait. Et toutes ces choses que l'animal n'a pas font de l'animal, finalement, un être un peu plus efficace que l'homme, mais moins utile cosmiquement et moins important cosmiquement que l'homme. Alors, comme l'exemple que je donne souvent, c'est qu'un chameau perdu dans le désert va marcher, creuser et boire de l'eau, tandis que l'homme, il va marcher, crier et mourir de soif. Donc, le chameau est plus intelligent que l'homme dans le désert. Effectivement. Sauf que l'intelligence du chameau se résume à l'eau dans le désert. Tandis que l'intellectuance de l'homme, mélangée avec un peu de son intelligence, de ce savoir instantané, de cette intelligence instantanée, va lui permettre d'être convaincu que même s'il n'a pas d'aile, il pourra voler. Et nécessairement, la majorité des êtres humains d'une époque hantée, vol par avion, vont dire, ben voyons donc, si Dieu aurait voulu que l'homme vole, ben il aurait mis des ailes. L'homme a commencé à voler à l'époque de l'homme des cavernes. Il volait des morceaux de viande, il volait des choses comme ça. Bon, puis lentement, ben il a fini par arriver à voler dans les airs. Bon, alors il a volé la place des oiseaux. Tant qu'être voleur. Alors l'intelligence instantanée fait dire à l'homme que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais oui, qu'effectivement, l'être humain a la faculté de malléabiliser les choses, d'alchimiser, de transformer, d'adapter l'extérieur à ce qu'il veut ou à ce qu'il vit ou à ce qu'il pense vivre pour pouvoir continuer à grimper d'échelon au niveau de son expérience. Et ça reste de l'intelligence, manipulé par de l'intelligence, mais l'intelligence n'appartient pas à l'homme. À qui? À qui ça appartient? À elle. C'est une problématique souvent, c'est que lorsqu'on pose la question, c'est qu'on va avoir une réponse personnifiée. Dieu, ça ressemble à quoi? Eh bien, Dieu, ça ressemble à rien. La meilleure image qu'on peut avoir de Dieu, d'une image spirituelle qui est le plus proche de la réalité, c'est une dompe, des décombres, une poubelle. Ah oui? La poubelle qui n'a pas le sac glam. Là, on a une idée de Dieu. Ça, c'est la meilleure idée qu'on peut avoir de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une idée qui est spirituellement et émotivement belle. Ce n'est pas une idée qui est plaisante. Ce n'est pas une idée qui est, etc. Donc, c'est une idée qui est beaucoup moins manipulatrice que l'idée qu'on peut se faire où on va rencontrer un Dieu, soit qui ressemble à notre père ou à notre arrière-arrière-grand-père, un grand bonhomme à barbe, qui a l'air extrêmement jovial. Calme, même s'il n'a pas réussi à s'empêcher de vieillir. Et puis, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui te protège contre tes ennemis. Tu ne te demandes pas pourquoi ils ont bâti tes ennemis, mais en tout cas, ils te protègent contre. On peut, si le problème de Dieu dans l'intellectuance de l'homme, c'est qu'il arrive, c'est que chaque fois qu'il veut conceptualiser une chose, il la fait dangereuse ou antidangereuse. Mais il n'arrive jamais à structurer un concept entre les deux. Pourquoi Dieu ne serait pas une créature de l'homme? Parce que ça suscite une question dans l'intellectuance de l'homme. Ah, mais si Dieu est une créature de l'homme, qui nous a créés? Alors, ça, immédiatement, ça met un stress total. Alors, le stress, on l'élimine en disant, « Ah ben non, ça n'a pas d'allure, c'est Dieu qui nous a créés. » Mais qui a créé Dieu? « Ah oui, non, Dieu était là, Dieu s'est créé. » Étant donné que l'homme peut expérimenter qu'il est venu au monde, il ne peut pas dire, « Je me suis créé. » Ça ne va pas avec sa logistique intellectuelle. Par contre, ne connaissant pas du tout le phénomène divin, alors il peut lui attribuer tout ce qui lui tente. Alors, il va dire, « Dieu est omniscient. Dieu sait tout. » Ce qui est faux. Il va dire, « Dieu est omniprésent dans le monde de l'homme, oui, pas au niveau cosmique. » Dieu est omnipotent, Dieu peut tout. Ben, dans le sens que Dieu sait, c'est apostrophe EST, tout, alors là, oui, Dieu peut tout. Dieu peut pleuvoir quand il pleut, mais Dieu ne peut pas faire beau quand il pleut. C'est dans ce sens-là que c'est une dompe, c'est-à-dire que toutes les questions auxquelles il n'y a pas de réponse, la réponse, c'est la réponse générale. Ben voilà. Alors, quand il y avait un volcan qui nous éclatait sa lave en pleine face, eh bien, c'était un Dieu. Même dans les polices d'assurance, on trouve un act of God, un acte de Dieu, tout ce qui est... Ouais. Qui est effectivement. Incontrôlable ou tu n'as pas trouvé une réponse. C'est ça. Dieu sait qu'on s'assure justement pour être assuré contre les acts of God. Mais quand tu as un act of God, tu n'es pas assuré. Donc, si on revient à l'intelligence, on pense que l'intelligence, on pense être intelligent. La preuve, majorité, c'est que vous pensez être intelligent. Oui. L'humain pense être intelligent. C'est la preuve qu'il ne l'est pas. Celui qui sait qu'il est intelligent ne pense pas qu'il est intelligent. Non, puis il ne le sait pas. Il l'est. Si on lui pose la question, il le sait. Mais ça, il n'en parle pas, il ne sait pas. Il n'a pas besoin de s'en parler. Tandis que l'intellectuel, lui, il aura besoin de méditer sur son intelligence. Le gars qui un jour a dit « Wow, je pense, donc je suis. » Ah, c'est au bout. Non. Quand tu dis à un être humain intelligent, qui est un imbécile, tu l'invites en plein public, à la télévision, par exemple, et tu le niaises, tu le démolis, tu l'agresses, tu l'attaques. Et puis, l'être humain, ça ne le dérange absolument pas, c'est un être humain intelligent. Par contre, vu du point de vue de l'intellectuel, ils vont dire, voyons donc, il me semblait que cette personne-là, elle avait du dynamisme, qu'est-ce qu'il aurait pu se défendre mieux que ça? Mais s'il n'y a aucun intérêt à niaiser là, elle ne dit rien, elle se lève et elle s'en va. Si elle est payée pour 10 minutes, elle reste 10 minutes, mais elle ne dit rien. Mais ce n'est pas compris. Normalement, l'être humain, pourquoi l'être humain n'est pas intelligent? Parce que premièrement, l'être humain doit réfléchir. Deuxièmement, l'être humain ne sait pas. Hein? Ça, il le répète assez souvent. Même quand il sait une chose, il dit « je ne le sais pas ». Je ne sais pas, mais il donne la réponse. Voilà, c'est ça. Il sait, mais il commence par « je ne le sais pas ». Et il y a beaucoup de choses, justement, qu'il ne sait pas. Toutes les erreurs qu'il va commettre, bien souvent, il va le mettre sur le dos du fait qu'il ne sait pas. Et il a raison, c'est parce qu'il ne sait pas. Mais en même temps, il se dit intelligent, parce que c'est flatteur. Sauf qu'il est intellectuant, c'est-à-dire que toute son « intelligence », entre guillemets, est basée sur sa mémoire. Un être humain actuellement viable sur notre planète, si on élimine sa mémoire, il n'y a plus rien. Mais sa mémoire, il l'a bâti seulement avec des expériences, des échecs, des erreurs, des succès aussi. Il y a le phénomène réincarnationnel. Ou s'il y a une partie d'intelligence qui est entrée dans sa mémoire. Non, l'être humain est totalement manipulé. L'intelligence n'habite pas l'homme. Quand je dis que l'être humain est habité de 5% d'intelligence, c'est qu'il y a de la place dans le cerveau de l'homme pour recevoir 5% d'intelligence. Et bien souvent, l'intelligence est à l'extérieur de l'homme, elle n'est pas dans l'homme. Elle manipule une collectivité. Elle va manipuler des événements particuliers, elle manipule. Bon, à un moment donné, en conférence, j'avais dit que ça fait quelques temps, presque un peu plus d'un an, où on avait abattu un avion coréen, sud-coréen, les Soviétiques avaient fait cela. Et moi, j'avais dit que, de toute façon, il ne faut pas s'en faire, intelligemment, normalement, les Américains devraient faire la même chose. Et on m'avait donné une question, c'est qu'ils ne voyaient vraiment pas pourquoi les Américains iraient descendre un avion russe. Ce n'est pas question d'avion russe, mais l'intelligence équilibre les forces. J'ai déjà expliqué, je l'explique souvent en séminaire, que l'harmonie, c'est lorsque, dans un phénomène de guerre, il y a un équilibre des forces. Étant donné qu'au niveau astral, les Soviétiques ont fait une erreur magistrale en abattant un avion de ligne sud-coréen, eh bien, dernièrement, les Américains ont abattu un avion de ligne, un Airbus, alors iranien. Alors, ça équilibre les forces. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut haïr plus les Russes parce qu'ils ont descendu un avion civil? Bien, les Américains ont fait la même chose. Sauf que c'est, quand je dis que l'intelligence n'est pas nécessairement dans la tête de l'homme, c'est que l'intelligence, elle est de l'extérieur de l'homme, et elle oblige l'homme à faire ce que l'homme doit faire. Quand la dernière guerre mondiale a été perdue par le Troisième Reich, c'est parce qu'Adolf Hitler, pour une des rares fois, avait pris un médicament pour dormir. Et comme on ne pouvait pas déplacer la division des blindés Panzers vers la Normandie, sans l'ordre exclusif du Führer, parce que pour déplacer les divisions des blindés, il fallait un ordre du Führer, puis que le Führer dormait, puis qu'on ne pouvait pas le réveiller, bien, l'Allemagne a perdu la guerre. Ça, c'est une erreur C'est de l'intelligence. Ce n'est pas une erreur. C'est l'intelligence instantanée qui manipule l'humain. L'être humain, à l'époque, devait absolument, premièrement, détruire un égrégore majeur, qui était un égrégore juif, pour permettre à l'intelligence supramentale, antiquement appelée intelligence christique, de descendre sur le plan planétaire à l'extérieur de l'égrégore juif qui était trop puissant, parce que les Juifs sont l'une des races les plus puissantes de la planète. L'Allemagne devient la deuxième race la plus puissante de la planète, et c'est encore l'Allemagne, d'ailleurs, qui manipule, pas l'Allemagne, mais des Allemands au Japon, qui manipule tout le système financier au monde. Et lorsque les Allemands sont entrés en guerre avec l'aide des prêtres juifs contre le peuple juif pour exterminer la majorité des prieurs juifs de façon à moins nourrir un égrégore dans le monde de la mort, de façon que l'égrégore s'affaiblissant, l'intelligence supramentale qui devait descendre à partir de 69, 67, 69, 72 en recrudescence, 87 en immense recrudescence, et ça va en grandissant, ne se fasse pas encore une fois par le peuple juif, comme ça l'a été obligatoire il y a 1990 ans lors d'une descente christique, lors d'une descente supramentale, d'une descente de l'intelligence instantanée à travers le peuple juif, ce qui a donné naissance à deux probabilités génétiques, Jean, qui est devenu le baptiste parce qu'il avait trop d'ego, et Joshua, Jésus, qui est devenu le porteur du Christ. Maintenant, l'énergie supramentale devait descendre à l'extérieur du peuple juif, et pour cela, il devait se passer quelque chose. Étant donné que les Juifs n'auraient pas compris l'intelligence instantanée de cesser de prier pendant 30 ans, bien, nécessairement, il fallait qu'on s'organise pour que les Juifs ne prient plus. Il fallait qu'ils cessent de grossir l'égrégore. Nourrir l'égrégore. En plus, il fallait absolument renforcer une race, mélanger certains peuples, pour permettre la naissance de la sixième race mère, la race ésotérique bleue, celle qui descendrait normalement d'un mélange de la cinquième sous-race blanche, la race teutonique. Et cela doit se faire sur un continent neuf au niveau des égrégores, des archétypes. C'est nécessairement l'Amérique. Et en passant, ésotériquement, le Canada et les États-Unis d'Amérique, c'est la même chose. Bon. Alors, c'est donc l'Amérique. Et encore une fois, il fallait s'arranger pour que les peuples puissent descendre en Amérique et se mélanger. La Première Guerre mondiale a engendré certaines choses. La Première Guerre mondiale était une guerre d'égo, simplement pour préparer l'Europe à recevoir le Troisième Reich. Et le Troisième Reich était une guerre sainte, une guerre religieuse, qui avait un but fondamental, la création d'un homme nouveau, la descente d'un surhomme que Adolf Hitler appelait la race aryenne, en hyperborée, en l'occurrence le Québec. Mais effectivement, lui, il était manipulé, l'intelligence ne l'habitait pas. Mais par contre, elle manipulait ses troupes. Elle a manipulé les États-Unis d'Amérique pour qu'ils puissent recevoir les immigrés. Et là, l'Europe au complet s'est déchaînée et s'est envenue en Amérique, sauf les Juifs. Les Juifs n'étaient pas acceptés non plus. Les Juifs, la planète Terre au complet les a repoussés. Premièrement, à cause d'un mélange au niveau de leur constitution, parce que le peuple juif n'est pas habité par le même genre de constitution amique que le peuple du reste de notre planète. Ils ne proviennent pas de la même place que l'homme. Ce n'est pas grave, mais c'est un racisme cosmique du point de vue humain, mais c'est ridicule, parce que finalement, au-delà du phénomène cosmique, c'est la même chose. En plus, le peuple juif devait nécessairement être dilapidé, ils sont rendus disparates suffisamment pour justement que les grégores de cette religion juive, en l'occurrence essénienne, ne soient pas trop nourris. Alors, le peuple juif a été interdit sur le plan planétaire inconsciemment. L'être humain fait bien des choses, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'Hitler, lui, était connecté, si on veut, en intelligence instantanée? Non, il était bloqué sur un porteur de lumière qu'on appelle Lucifer. Et Lucifer s'occupait de lui par l'intermédiaire, disons, du comte de Saint-Germain, de Lazare, qui était le seul initié véritable du Nazaréen, donc de Jésus-Christ. Alors, le peuple, donc, les Amériques ont accepté de recevoir le peuple de l'Europe, les peuples de l'Europe, et ça a engendré les mélanges génétiques qui font en sorte qu'on a des races extrêmement plus puissantes ici. Les Soviétiques aussi en ont reçu, les Soviétiques en ont surtout conquis. Mais, de toute manière, le peuple soviétique sera l'un des premiers peuples à être foncièrement manipulé par l'intelligence supramentale, d'une façon collective. Et le peuple du Québec sera le premier peuple qui sera le porteur de l'intelligence supramentale du point de vue conscient. Est-ce qu'on peut dire que les résidents de l'Amérique du Nord ou du Québec, comme tu dis particulièrement, ont plus de facilité à être en intelligence instantanée ou intelligence… Le Québécois, oui. Pourquoi? Parce que le Québécois est un peuple qui ne se tient pas. Bon. C'est un peuple individualiste. C'est un signe intelligent, ça? C'est un signe… Non, c'est pas un signe intelligent, c'est un signe de bon récipient. On appelle ça une cruche. C'est ça. Alors, le peuple québécois est une bonne cruche, c'est-à-dire que il refuse obstinément d'être un grand contenant. Alors, le peuple québécois se mange la laine sous le dos. C'est des moutons, mais ils se mangent la laine sous le dos. C'est intéressant. Et puis, c'est un peuple qui résiste, comme les Gaulois ont résisté dans Astérix aux Romains, ils résistent donc au peuple anglais, qu'il soit canadien ou américain. C'est un peuple qui, malgré son apparence décadente, son apparence déchéance, c'est un peuple qui résiste toujours. C'est un peuple qui ne peut pas être colonisé. C'est un peuple qui colonise ceux qui veulent le coloniser. Donc, quand les Américains s'établissent ici, ils deviennent Québécois. Quand les Canadiens s'établissent ici, ils deviennent Québécois. Québécois-anglais, mais ils deviennent Québécois pareil. Le Québécois ne devient pas Canadien. Premièrement, de toute façon, le Québec va finir, à un moment donné, par être séparé. Il est séparé du point de vue cosmique, il est séparé du point de vue occulte du reste du Canada et de l'Amérique. Et il se séparera aussi du point de vue politique, à un moment donné. Il y aura des décisions majeures. Maintenant, il restera à savoir si ça sera d'une politique calme ou d'une politique violente. Mais de toute manière, c'est évident que ça va arriver. C'est d'ailleurs le travail du Baptiste. Et puis, lorsque on regarde le Québécois lui-même, et bien vu qu'il est obstinément indépendantiste, individualiste, même s'il n'a pas d'intelligence, il devient une bonne cruche, un bon récipient. Et c'est d'ailleurs pourquoi que je fus Québécois, n'est-ce pas, et que je fus une bonne cruche moi aussi. Ça permet à un être humain qui ne veut pas être collectif d'avoir accès à une intelligence instantanée, petit morceau par petit morceau, intelligence instantanée qui va faire de cette cruche-là un être génial, qui devra développer chez lui un individualisme de conscience. Présentement, le peuple québécois est individualiste du point de vue de l'ego, même s'il est collectivement individualiste, il est manipulé, comme les autres peuples, sauf qu'il n'est pas patriotiste. Donc, le peuple québécois ne lève pas son drapeau tous les matins et puis le baisse tous les soirs. On voit ça au Canada, on voit ça aux États-Unis, on voit ça en France, on voit ça en Angleterre, on voit ça en Chine. On voit ça dans les pays où l'armée vous oblige à le faire. Mais le Québécois, franchement, tu sais, à un moment donné, j'avais un bateau, un voilier, et puis il y avait des personnes à côté qui avaient un drapeau du Québec. Une personne intéressante qui est connue du public, un navigateur. Et puis, à un moment donné, eh bien, il me racontait ça. Il avait besoin d'un mouchoir. Il avait des invités. Et finalement, mais c'est mouché avec le drapeau du Québec. Je trouvais ça comique. Il n'y avait rien. Alors, il m'avait suggéré d'amener un gros drapeau. Ou quoi, des pays où se développer. Des fois, tu manques un papier de toilette. Tu manques. Bon. Donc, en étant plus individualiste. Un Américain ne ferait pas ça. Il se mouchait avec sa chemise. Ah oui. Ou avec, pas avec son pays. Avec la tienne d'abord. Ah oui, évidemment. C'est un Américain. Effectivement, tu connais bien les Américains. Oui. Mais alors, l'intelligence, elle peut descendre dans un corps physique, dans un être humain. On peut dire dans un peuple, mais le terme est faux. L'intelligence supramentale ne descend jamais dans un peuple. Elle descend dans des êtres humains qui peuvent faire partie d'un même peuple, mais elle ne descend pas dans un peuple. L'intelligence instantanée n'appartient pas à un peuple. Il n'y a pas de peuple élu. Autrement dit, il n'y a pas de gang élu. Alors, dans une gang, il y a toujours des personnes qui ne comprennent rien. Alors, nécessairement, ça ne fonctionne pas. L'intelligence ne descend que à l'intérieur d'un être humain, d'un individu, qui a un cerveau capable de recevoir l'intelligence instantanée et qui a un corps, un système endocrinien, un système émotif capable de supporter la négoïsation de l'homme pour lui permettre d'exprimer une intelligence qui n'appartient pas à l'ego et qui lentement va détruire l'ego, démolir les mémoires volatiles constituant l'âme pour faire de l'homme un être avec une âme pure, c'est-à-dire une âme qui ne contient aucune mémoire, un âme qui ne contient que de l'énergie vitale, un âme qui finalement va engendrer un double éthérique qui va permettre à l'être humain de devenir immortel. Est-ce qu'on peut dire que ça le pousse, le fait d'être individualiste, le Québécois n'a pas, par exemple, nécessairement dans sa famille, parce que les familles ne sont pas aussi grandes que dans les. Comme les Juifs ou d'autres, les Italiens, par exemple, ou des groupes de familles plus puissantes. Tu n'as pas nécessairement un beau-frère électricien, un plombier, un menuisier. Quand tu as besoin de réparer un problème électrique, il faut que tu essaies de te débrouiller tout seul. Est-ce que c'est plus souvent qu'autrement? Il y a quand même des exceptions. Est-ce que ça pousse vers plus d'intelligence? Est-ce que ça pousse vers plus d'intelligence. Parce que tu es mal pris. Oui. Le problème du Québécois, il est en train de régler ça. C'est commencé. Le problème du Québécois, c'est qu'il préférait continuellement faire appel aux Américains, aux Canadiens, aux Italiens, aux Juifs, aux Portugais, aux Allemands, aux Polonais, plutôt qu'aux Québécois, de façon à se sentir individuel. Et ça, quel que soit le Québécois dans sa conscience, inconsciente, il a fait longtemps plutôt affaire avec des ethnies différentes que la sienne, de façon à ne pas donner aux Québécois quelque chose que lui ne pourrait pas avoir. Le Québécois n'aime pas rendre un Québécois riche. Il préfère un Juif, un Allemand, un Américain. Ils vont dire, ouais, mais on le sait, les Juifs, eux autres sont toujours riches. Parfait. Les Américains, on le sait aussi, bon, ça va bien. Alors, quand les ethnies immigrent ici, ils peuvent facilement avoir des maisons, avoir des compagnies. Il y en a évidemment qui ont des problèmes, c'est parce que leur génétique n'est absolument pas capable de supporter le territoire québécois. Mais habituellement, les immigrés vont avoir plus de succès économique que le Québécois. Maintenant, ça a changé depuis une dizaine d'années. Le Québec a commencé à changer. Surtout depuis que la femme a commencé à prendre du terrain au niveau du monde des affaires, ça l'a énormément obligé les mâles à se ressaisir puis à commencer à travailler un peu plus ensemble de façon à concurrencer maintenant une concurrence nouvelle qui était celle de la femme en affaires. Et nécessairement, la femme, elle était collectivisante, elle était collectivisée par la démarche de libération de la femme, ce qui lui a éliminé un problème majeur, celui de se marcher sur le dos. Aujourd'hui, maintenant que les femmes en affaires peuvent fonctionner avec des hommes d'affaires assez librement, à part avec certains cons qui, de toute façon, vont finir par mourir de vieillesse, puis on n'y en verra plus, mais selon, on n'en parle pas, nécessairement, la femme, elle devient un peu plus comme l'homme de ce point de vue-là, c'est qu'elle, maintenant, les femmes commencent aussi à se manger le dent sur le dos au niveau du Québec. Par contre, ça l'a obligé la création de compagnies québécoises plus soutenues par des Québécois. Les intérêts économiques ont été pris en main par de plus en plus de Québécois, ce qui permet à ces Québécois d'avoir une logistique mentale qui, maintenant, leur permet d'appuyer l'effort américain ou canadien au niveau d'une progression. Ça permet aux Québécois de penser à une agence spatiale. Ça permet aux Québécois de penser à développer de la technologie. Ça permet même au petit peuple québécois de penser être capable, dans un état de libre-échange, de survivre. Puis de même faire du fric avec les Américains. Alors, on assiste donc là à la naissance, effectivement, d'une race nouvelle. Même si on ne peut pas parler de race du point de vue de la collectivité, ce n'est pas parce que tu as ta carte de membre d'un parti politique ou que tu es né au Québec que tu fais partie de la race nouvelle, mais effectivement d'une race de colons. Parce que le Québec a été surtout colonisé par des prisonniers, des bandits, des êtres humains qu'on ne voulait plus voir en France, qui ont été amenés ici. Fait que les Français, à l'époque, déjà, ça ne sortait pas. Fait que les bouddhis français, ils les envoyaient ici. Et puis, ça a donné une race de colons avec différentes formes de langage qui sont des tributaires des différentes parties de la France. Parce qu'en France, apparemment, il n'y a qu'une place qu'on parle français, c'est à Paris. Le reste, on parle des dialectes. Alors, le Québec est effectivement la Nouvelle-France. On ressemble beaucoup à Dieu, donc une dompe. Effectivement, le Québec est un territoire divin, une dompe. Et puis, l'avantage du Québécois, c'est qu'il a été obligé de se soutenir lui-même. Et l'avantage du Québécois, c'est qu'il était sur un territoire ésotériquement, énergétiquement, placé pour le recevoir, ce qui a empêché justement la colonisation, malgré que les Britanniques ont envoyé des cerveaux ici. Ils ont envoyé des gens absolument géniaux. D'ailleurs, à un moment donné, si on regarde les vieilles cartes, ce qui appartenait à la France, c'était pas bien gros. Ce qui appartenait à la Grande-Bretagne, c'était tout le Canada au complet, plus tous les États-Unis au complet. Et puis, à un moment donné, il y a eu des échanges, des ventes, c'est-à-dire qu'il y a eu des scissions à cause de la tellurie canadienne et comparativement aux Américains. Et finalement, il y a eu des échanges, puis il y a eu des ventes, et puis on a eu le Canada. Mais le peuple québécois aurait dû, normalement, historiquement, il aurait dû être, disons, dilué complètement à travers la puissance britannique ou américaine, ce qui n'a pas été fait, même si le peuple québécois est un peuple, disons, de colons. Et lentement, ce peuple de colons était tellement individualiste parce que justement, c'est des bandits, des prisonniers. Moi, mon nom, c'est Kemp. Alors, je suis descendant d'une famille de mercenaires, marins, écossais. Alors, des gars qui se vendaient au plus offrant pour tuer les voisins. Bon. Ma mère est une roi. Elle est descendante, elle, directe des lignées royales de France qui, à un moment donné, ont fui la royauté française lors de conflits qu'il y a eu en France. Et le nom roi, R.O.I., a été changé par R.O.Y. à un moment donné de façon à bien à disparaître un peu. Et puis, à travers les lignées comme ça, eh bien, finalement, on descend d'un paquet de barbares. Ben, c'est ça. Et vu qu'on est un paquet de bandits vivant dans la même cellule, bien, lentement, on finit par devenir relativement des bonnes cruches. Ça donne un mélange intéressant, parce que la plupart des bandits, c'est pas nécessairement des tartes. C'est nécessairement, rarement des tartes, justement. Ouais. Pas du gâteau non plus. Ça, c'est pas du gâteau. Quelle est la différence entre... Tu mentionnes souvent intelligence instantanée, intelligence supramentale. Même chose. Y a-t-il une différence? C'est pareil, c'est identique. Il y a l'intellectuel, ce qui est l'intelligence du mental, qui est nécessairement réflexive, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir, qui est déterminée et tributaire des mémoires. Les mémoires que tu n'as pas, tu ne peux pas réfléchir dessus. Alors, si on veut parler de choses que tu ne connais pas, tu ne pourras pas en parler. Et l'humain ne peut pas réfléchir à ces choses qu'il ne connaît pas. Donc, il recherche l'opinion d'autrui, il recherche à lire, il recherche, etc. Et on a l'intelligence supramentale, au-delà du mental, l'intelligence christique, c'est la même chose, l'esprit saint, donc pur, non coloré par les mémoires de l'homme, c'est la même chose. L'intelligence instantanée, l'intelligence active, c'est la même chose, comparativement à l'intelligence passive, l'intellect passif qui attend après les mémoires de l'ego. L'intelligence instantanée, la différence qu'elle a, c'est qu'elle arrive dans l'homme quand l'homme ne la demande pas. C'est important. Quelqu'un qui veut prier Dieu supramental, bien, il est directement connecté au plan astral et puis il continue à réfléchir, par se faire manipuler, par se faire accroire un paquet de choses. Problème donc, ça vient dans l'homme lorsque l'homme ne le demande pas. Par contre, l'être humain peut être conscient que c'est ça qu'il a besoin, que c'est évident, que c'est intelligent de ne pas avoir à poser de questions, de ne pas avoir à réfléchir, de savoir. Et quand l'être humain est capable de dire « c'est intelligent » comme ça, bien, c'est qu'il y a déjà de l'intelligence chez lui. Parce que sinon, il ne peut pas le savoir. Il peut l'apprendre. Je peux le dire et la personne, elle l'apprend. Elle l'apprend et puis elle ne le comprend pas. Mais lorsque l'être humain sait que c'est évident, que c'est intelligent d'être intelligent, alors c'est, il y a déjà un peu d'intelligence chez lui. L'intelligence instantanée, elle vient comme une brique qui te tombe sur la tête. L'être humain ne peut pas s'attendre à... Lorsqu'un être humain me pose la question, « Oui, mais dans combien de temps, moi, je vais finir par... » Ben, la réponse, et la réponse que je donne souvent, qui frustre beaucoup de personnes, c'est tu vas avoir un contact d'ici une heure à 2 ou 3 000 ans. Bon, puis c'est vrai. Est-ce que ça peut être des contacts qui sont... quand tu dis tu vas avoir un contact, c'est un contact ou une série de contacts? Ou... Bon, est-ce qu'à partir du moment où... ans... Non, mais est-ce qu'à partir du moment où tu as eu des contacts ou un contact, tu en as plus facilement, plus souvent, sans le vouloir? Oui, la porte non. S'ouvre plus oui, grande? Non. Bon, oui et non. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un contact avec l'intelligence supramentale? C'est beau de parler de contact, mais à un moment donné, ça parle dans ma tête, j'ai un contact. Non, c'est pas ça. Je me promène, je m'en vais quelque part, et puis à un moment donné, je me perds, et puis je me perds en plein où je vais. Est-ce que c'est supramental ou pas? C'est supramental. Avec une inconscience de l'ego, qui ne fait confiance à rien, à part à ses mémoires, et puis là, l'ego, ben, il regarde l'endroit, puis il ne connaît pas la place. L'ego, alors, il demande perdu, l'ego a peur, il demande au garagiste, « Bon, ben, je cherche telle rue, c'est où? » Le garagiste répond, ben, « C'est simple, la rue qu'on est ici, là, bon, ben, la rue à côté, c'est celle-là. » Et t'es perdu où c'est que tu allais. Mais on l'a vu que tu ne te fies pas à ton intelligence, parce que tu n'es pas habitué d'être intelligent, mais tu es habitué d'être intellectuant, habitué à réfléchir. Et bien nécessairement, quand tu es proche, la tension de l'ego devient tellement grande, même si c'est souvent inconscient du point de vue conscient, mais la tension est consciente, mais pas, on ne sait pas pourquoi, la tension de l'ego devient tellement grande du fait que tu es rendu là où tu veux aller alors que ça ne se peut pas, dans la tête de l'ego. Alors, ça ne se peut pas. Fait que là, minute, j'arrête. Ce n'est pas pour te rendre en plus devant l'adresse sans savoir où tu vas. Tu sais, pas fou. Bon. Alors là, j'arrête, je descends puis je me renseigne. C'est ça, c'est intelligent. Mais ça, c'est pas une manipulation, justement. C'est pas une manipulation, justement, pour que tu ne te rendes pas compte que tu as eu un contact avec l'intelligence. C'est exactement ce que c'est. C'est une manipulation des forces arimaniennes, des forces d'involution, pour obliger l'être humain à rester froid, pour obliger l'être humain à ne pas se réchauffer, pour obliger l'être humain à ne pas prendre conscience qu'il a accès à un savoir. Mais pourquoi c'est une force, disons, c'est une intervention manipulatrice involutive? Et cette intervention involutrice est manipulée par de l'intelligence supramentale. L'intelligence te donne ce qu'il faut pour te rendre, et en même temps, il organisera le contexte pour que tu ne saches pas que tu t'es rendu grâce à elle. Pourquoi? Parce que l'être humain, premièrement, chez l'être humain est bâti de deux façons. Il est bâti avec un système extrêmement planétaire, c'est-à-dire qu'il a un corps physique, il a un corps vital qui lui permet de vivre et de croître, il a un corps astral qui est sa psychologie. Le corps astral dans le corps astral, on va retrouver c'est l'âme, on va retrouver premièrement l'ego, deuxièmement l'expérience, les mémoires volatiles et l'enveloppe de l'âme, le périsprit, qui permet aux individus de ne pas se mêler du point de vue de l'âme, et périsprit qui disparaît lorsque l'on meurt. Et c'est d'ailleurs pourquoi on meurt deux fois, on meurt du corps physique, puis on meurt une fois au niveau de l'âme. Et il y a le plan mental qui va être le plan associatif, relié au cortex associatif au niveau du nouveau cerveau, du néo-cérébellum, donc les deux hémisphères, entre autres. Et ça, c'est la partie planétaire. Il y a une autre partie qui est la partie supramentale qui, elle, est déjà constituée au niveau du plan moronciel et qui est déjà constituée au niveau du plan supramental, au niveau du plan bouddhique, au niveau du plan intentionnel divin, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Et cette partie-là, elle attend un véhicule planétaire, elle attend un véhicule matériel, pas planétaire, mais matériel. Et il se trouve que la planète Terre supporte présentement la majorité des véhicules matériels. Donc, elle attend la possibilité d'un contact entre un véhicule matériel. Le véhicule matériel est un véhicule humain qui est habité par une correspondance animalienne qui va animer l'âme, animer le corps physique, pour l'obliger à muter et à évoluer. Elle va lentement, par l'intermédiaire d'un ajusteur de pensée impersonnalisé, temporaire, local, envoyer un peu d'informations à l'humain, c'est-à-dire que là, notre ego, l'âme est bâtie, disons, on parle de sphère, et il y a un canal qui relie l'âme au monde de la mort, au ciel. Et c'est de ce ciel, justement, qu'une partie de l'ego va naître dans le corps physique. Et c'est pourquoi l'ego reste toujours avec l'idée qu'il a été créé du ciel, donc qu'il provient du ciel, que son père créateur est dans le ciel, etc. C'est vrai du point de vue de l'âme. L'ego n'a pas tort. L'ego a totalement raison, mais pas l'homme. L'homme n'est pas créé par le monde de la mort. L'âme, oui, pas l'homme. L'esprit, non. L'âme, oui. Alors, il y a un canal. Et notre ego est toujours en contact avec ce canal, un canal réincarnationnel qui fait que dans l'âme se réincarne 24 heures sur 24 des mémoires du monde de la mort, et c'est ajusté par un net contrôle. Et en même temps, l'âme, l'ego est en contact pour être stimulé, c'est-à-dire que l'ego qui est assis chez lui, il ne sait pas quoi faire, eh bien, le monde de la mort a vécu certaines formes d'expériences et il a besoin que l'être humain vive des expériences similaires. Parce que l'être humain est le médium entre l'expérience, l'événementiel planétaire et l'énergie mémorielle du monde de la mort. Alors, à un moment donné, bien, l'être humain est assis, il ne sait pas quoi faire. Pouf, il va aller voir un film. Bon, ça vient simplement du monde de la mort. C'est un phénomène stimulatoire qui donne des idées. Mais la personne, elle ne se dit pas, tiens, m'en voir une idée, puis mon idée, m'en aller voir un film. Pouf, m'en aller voir un film. Non, l'idée vient. Alors, ça peut être, tiens, on fait l'amour. L'idée vient. Ça peut être, m'en manger. L'idée vient. Mais l'idée n'est pas créée par l'homme, l'idée vient chez l'homme. Et l'être humain appelle cela une action, parce que dans la définition PMC, l'action, c'est la première constatation d'une réaction en cours amenée à la conscience de l'homme. Alors, il y a une réaction qui est en cours, puis pouf, tu en vois conscience, tu penses à part de là, tu appelles ça une action. Alors, à un moment donné, il y a le stimuli de faire une chose, et ça, c'est le canal réincarnationnel provenant du monde de la mort qui stimule l'ego. Mais à un moment donné, l'intelligence va créer un canal, qu'on appelle l'ajusteur de pensée, qu'il va amener à travers le monde de la mort et qu'il va amener en contact, pouf, avec le canal réincarnationnel. Ce qui fait que là, l'être humain, l'ego ici, a de l'information du monde de la mort, normalement, mais là, son information, lui, ne le sait pas. L'ego ne le sait pas, en tout, parce que c'est le même canal, il pense que c'est la même chose. Déconnecté sur le corps, ben, l'iotron, etc. Eh bien, tu t'attends à ce que c'est de là que ça vienne. Si à un moment donné, quelqu'un débranche ton antenne et te met quelque chose d'autre, tu vas quand même penser que ça vient du corps. Bon, parce que tu ne sais pas que tu es débranché. Alors, notre ego, lui, va recevoir de l'information de son canal réincarnationnel, qui est maintenant connecté temporairement à un ajusteur de pensée collectif et qui, maintenant, lui amène de l'information du monde supramental. Alors, notre ego va s'en aller, puis là, il va dire, « Ah, il me semble que c'est là, comme il fait tout le temps. » puis espère qu'il va avoir raison, ça le flatte. Hein? J'ai bien fait de choisir ce coin-là. T'as bien fait. Mais c'est pas grâce à toi que tu l'as choisi. C'est. T'as simplement choisi quelque chose que tu savais pas. Puis le hasard fait que t'as pris la bonne place. Mais finalement, l'être humain, il s'en vante, mais franchement, il aime bien se vanter, il se nourrit. Alors donc, il va prendre de l'information dans le canal réincarnationnel, dans le canal ajusteur de pensée relié au plan supramental, et là, il arrive jusqu'à l'endroit où il doit se perdre, près d'où il va, par exemple. Et là, l'ego, là, le canal se coupe. Et l'ajusteur de pensée se détache du canal réincarnationnel, et il replace donc le canal réincarnationnel en contact avec le monde de la mort. Donc, les stimulations recommencent immédiatement. Dieu, là-dedans, il ne veut absolument pas qu'être humain devienne divin, c'est-à-dire au-delà de Dieu, supradivin. Alors, immédiatement, le monde de la mort vient engendrer un doute massif au niveau de l'ego. Et là, l'ego, qui est presque rendu avec son automobile, eh bien là, il dit, ouais, ben là, c'est assez. Là, c'est assez, là, ça fait plusieurs fois que je décide de même sans savoir. Mais il ne disait pas ça, branché. Il ne savait pas qu'il savait, mais il savait. Mais là, c'est assez. Là, l'ego essayait de venir manipuler, posséder l'humain branché, mais il ne pouvait pas, le canal étant connecté au plan supramental. Et là, c'est suffisant. Et puis là, l'ego va se renseigner, puis là, j'étais pas pire! L'ego est là. Mais pourquoi le canal se déconnecte? Oui, pourquoi il n'est pas connecté en permanence? Premièrement, parce qu'il y a de l'ego dans l'homme. Premièrement. Ouais. Deuxièmement, parce qu'il y a le corps physique qui n'est pas prêt. Parce qu'il y a de l'ego dans l'homme, ça veut simplement dire que l'ego est capable de se connecter à de l'intelligence supramentale. Et ça ne doit pas arriver. Et quand on parle d'intelligence supramentale, c'est l'intelligence instantanée. Je sais encore qu'une personne dirait, bien, vous avez parlé d'intelligence supramentale à soi, mais vous n'avez pas parlé partout du sujet de la conférence. Intelligence instantanée. Bon, au cas. C'est ça. Juste au cas. Bon. Alors, premièrement, donc, l'ego peut être en contact. Disons qu'un ajusteur de pensée se connecte sur le canal de réincarnationnel, et maintenant, l'ego, lui, est tout à fait alimenté par le plan supramental. Première chose qui va arriver, c'est que l'ego va tout faire pour étrangler le canal réincarnationnel, ce qui est dans sa possibilité. Alors, s'il étrangle le canal, il n'aura pas le contact comme il veut. C'est-à-dire que l'ego va prendre les contacts supramentaux, intelligents qu'il a besoin. Et là, il va devenir un tyran puissant sur la planète Terre parce qu'il saura. Puis quand il va vouloir savoir une chose particulière, là, il va ouvrir un peu le canal. Et puis du moment qu'il sait, plouc, qu'il ferme. Et ça peut, de temps en temps, on a des êtres humains qui ont de l'ego, qui se connectent à un canal réincarnationnel, un canal supramental, un ajusteur de pensée, et ils arrivent à le souder. Mais le problème, la problématique, c'est que ces personnes vont devenir des illuminés, des gens qui ont de l'ego. Adolf Hitler en a eu un bout de temps, son canal portait un nom, Lucifer. L'ajusteur de pensée. Et on a des personnes qui ont été des saints, des martyrs saints, dans différentes églises, où justement, ils avaient un contact. Alors, ils avaient un contact avec Dieu très illuminatif. Certains faisaient même de la lévitation. Et puis, à un moment donné, lorsqu'ils avaient eu la nourriture qu'ils avaient besoin du point de vue de l'ego, bien là, ils coupaient le canal, puis là, ils allaient se vanter de tout ce qu'ils avaient eu. Ça fait qu'ils s'égoïsaient au coton. Et lorsqu'une personne a un ego malsain, un ego belligérant, un ego martien, eh bien, avec un contact supramental, il faut absolument qu'on élimine le corps physique de cet individu-là. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le contact est fait entre le monde de la mort et l'intelligence supramentale par dérivé? C'est-à-dire que le contact est fait entre le monde de la mort, non. Le contact est fait entre l'ego de l'homme dans le monde de la vie. Par l'ego, mais... Mais il faudra que l'ego meure pour que ça nourrisse le monde de la mort. Parce que par le canal réincarnationnel, il n'y a plus de contact avec le monde de la mort, le nageur de pensée soudé là. Première chose, donc, l'ego. Il y a des êtres humains qui évoluent au niveau d'une conscience instantanée et qui finissent par s'en enorgueillir. C'est-à-dire qu'il y a un snobisme de l'évolution qu'on retrouve dans toutes les strates de l'évolution de l'humanité et qu'on retrouve aussi au niveau québécois dans la strate de l'évolution pseudo-supramentale où on a des êtres humains qui ont accès par leur canal réincarnationnel exclusivement et non pas par un ajusteur de pensée. Par contre, il peut y avoir un ajusteur de pensée soudé ce canal réincarnationnel, un ajusteur très, très, très limité. Ça peut même être la mémoire d'un ajusteur de pensée, et qui aura la faculté de connecter le canal réincarnationnel de l'homme, donc de connecter l'âme de l'homme, donc l'ego de l'homme, à un égrégore supramental placé dans le monde de la mort, c'est-à-dire à une mémoire. Tout ce qui a été mené par l'intelligence supramentale depuis que l'intelligence supramentale a un contact avec l'homme dans le monde de l'homme est nécessairement mémorisé dans la mémoire astrale. Alors là, l'être humain peut avoir son canal réincarnationnel qui l'amène au monde de la mort. Mais il peut aussi avoir un petit ajusteur de pensée, sinon une mémoire astrale d'un ajusteur de pensée, qui l'amène à être en contact avec un égrégore supramental. Et cela donne l'illusion à l'être humain d'être en contact supramental. Et vu que l'être humain a de l'ego, il n'est pas un égoïque, eh bien là, il aime casser la gueule des gens avec sa parole, il aime détruire des formes, il aime dire que Dieu est un trou de cul, et ça, il aime ça comme ça, ça se poigne. Et puis, lui, il s'en nourrit, il a besoin de disciples, il a besoin de parler contre des gens. Si tu me demandes, par exemple, de parler contre le télévangéliste qui est sorti avec quelques prostituées, eh bien, je n'aurai que des choses intelligentes à dire contre lui. Par contre, l'individu qui a de l'ego, qui est connecté à une mémoire astrale supramentale, eh bien, lui, il pourra te dire que c'est un imbécile, un vendu, un faux. Alors, lui, il pourra démolir. Et le problème, c'est qu'étant donné qu'il a un contact avec un égrégore supramental, même s'il n'est pas en contact avec de l'intelligence christique réelle, donc l'intelligence instantanée réelle, il donne l'impression pour l'humain qui est intellectuel et non pas intelligent, qu'il a ce contact, et là, il peut donc détourner énormément d'humains de chemins intéressants que ces humains-là auraient pu suivre. C'est bien évident que ce que notre bonhomme va faire est prévu par l'intelligence. Et ça, je m'en fous, donc je n'ai rien à dire contre lui non plus, parce que c'est brillant. Ça détourne l'attention de la masse. Ça détourne l'attention de ceux dont l'attention doit être détournée. Et finalement, le phénomène égo, le phénomène endocrinien, qui n'est pas prêt, c'est pourquoi bien souvent le contact ne reste pas permanent, mais il y a des moyens de développer ce contact. Quels sont-ils? C'est ça, j'en suis convaincu. Il y a des moyens, donc, il y a le système endocrinien, donc on va expliquer un petit peu avant, c'est que l'être humain qui rentre en contact avec l'intelligence supramentale, première chose qu'il va apprendre, qu'il va décoder, c'est que tout ce qu'il croit être, c'est faux. Alors là, il y a un stress total, et comme l'âme s'exprime par le biais du système endocrinien, et que le système endocrinien est le système qui règle tout le corps physique de l'homme, du point de vue de sa croissance, de son vieillissement, de son rajeunissement, des pathologies, de sa santé, de l'énergie, de tout, eh bien, immédiatement, il y aura un stress au niveau de l'ego qui engendrera un stress endocrinien, qui engendrera un stress physique. Alors, le contact se coupe. Alors, on fait juste dire, peut-être que tu n'es pas ce que... Alors, l'ego commence à douter de Dieu, il commence à douter des traditions, il commence à douter des archétypes, il commence à douter des personnes qui lui disent, « Ah oui, mais t'es fin, t'es beau. » Il commence à douter de bien des choses, il commence à plus vouloir lire certaines choses, mais ça se fait très, très, très progressivement de façon à ce que l'ego puisse être instruit, programmé, pour ne pas s'exprimer d'une façon stressante à travers le système endocrinien. Là, ça se fait lentement. À un moment donné, l'intelligence redescend et elle va dire à l'individu, il va faire voir à l'individu certaines choses qui sont illogiques, inintelligentes, stupides. Alors, à un moment donné, la personne, elle va s'ennuyer, puis il va se stresser, puis à un moment donné, elle va trouver sa vie plate, puis elle va commencer à pleurer. Puis à un moment donné, elle va voir comme si elle était totalement extérieure à son monde. Elle va simplement voir, elle va avoir la conscience de voir, ce qui est différent de voir un film. Elle va avoir la conscience, elle va avoir la conscience subitement d'englober tout son monde, puis elle va se rendre compte que c'est un monde tout à fait illusoire. Puis elle pleure là-dedans parce qu'elle croit ce monde. C'est un jeu. Mais là, elle va conscientiser qu'elle sait que c'est un jeu. Immédiatement, elle va revenir, la conscience se coupe, ça va mollo. Puis là, dans son pleur, elle va arrêter. Elle ne pourra plus pleurer. Elle va rire. Mais là, le contact étant coupé, lentement, l'ego revient. Puis là, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fou, je suis folle. Puis là, elle peut plus recommencer. Puis là, il va y avoir des phases intermittentes comme ça, où subitement, elle va tout voir. Puis, fou, elle ne vaut plus rien. Elle va se rappeler de ce qu'elle a vu un peu. Et c'est quelque peu traumatisant, mais ce sont des brisures de forme qui se font par un ajusteur collectif, un ajusteur qui n'appartient pas encore à l'individu, orchestré par l'intelligence, de façon à préparer l'ego, pour que l'ego sécrète certaines formes d'émotions, de façon, donc, d'hormones, qui est l'expression émotive, de façon à permettre une mutation corporelle en direction de la mutation finale qui va permettre à un corps physique d'avoir un contact continue avec l'intelligence instantanée. Il faut que ça se fasse à l'insu de l'ego, à peu près. Faut que ça se fasse à l'insu de l'ego, et l'ego travaille de toute façon contre lui du moment qu'il a un contact supramental. L'ego s'en enorgueillit, il veut le développer, le développant, il l'accepte, l'acceptant, il se grugeant, etc. C'est finalement, il s'enterre. Alors, donc, on a deux symptômes. Un autre symptôme de ce contact instantané qui va apparaître chez l'individu, ça va être la transformation de l'expression émotive. La personne va commencer à s'ennuyer moins, ou bien, c'est pas nécessairement tout en même temps. Hein? Alors, l'être humain évolue comme un tronc d'arbre qui descend une côte. Lorsqu'il frappe une pierre, ben, il descend un peu croche, fait qu'il y a une partie qui est plus avancée, plus évoluée. Puis à un moment donné, c'est un autre, puis à un moment donné, c'est un autre. Fait que l'évolution de l'humain n'est jamais une façade bien droite. Par exemple, toi, tu peux être évolué parce que tu es calme. Par contre, il peut y avoir une lacune majeure qui peut être autre chose. Il peut y avoir une autre partie très évoluée, une autre partie lacunaire. Alors, finalement, on ne peut pas dire qu'être humain est une façade d'évolution. Alors, à un moment donné, la personne peut s'ennuyer moins ou être moins touchable du point de vue émotif. Normalement, eh bien, quand son maquillage se mettait à couler, ben là, elle rougissait pour le camoufler. Et puis maintenant, ben, son maquillage coule, puis elle se dit « Ah, maudit maquillage, on est-tu mal pris de devoir mettre ça? » Ça, c'est une réaction égo manipulée par de l'intelligence. Elle reste collective, on est mal pris de devoir se mettre ça. En réalité, le devoir, c'est l'ego qui se l'impose, parce que finalement, il n'y a personne qui l'oblige. L'ego va dire « Oui, mais les autres, ils disent tout. » C'est ça, parce que tu es assujetti à l'accréditation des autres. Mais les autres ne t'obligent pas réellement. Les autres, leur job est de chialer. Ils chialent. Puis toi, ben, tu embarques dans le jeu, puis tu dis, ben, crime, faut pas que je les fasse chialer. Ben non, ils chialent parce que je suis pas correct. Fait qu'ils ont sans doute raison, ils sont 15 à chialer. Tu n'auras rien qu'un, tu t'en foutrais. C'est le collectiviste qui donne la puissance. Et là, tu recommences à rougir ou à te faire du stock. La personne peut aussi l'avoir dit de cette façon-là pour s'assurer qu'elle n'a pas de retomber sur les autres, c'est-à-dire pour que ça passe bien. Oui, mais même si elle arrive à le dire, déjà là, c'est correct. Alors, la personne, lentement, elle change, elle ne pleurera pas. Lorsqu'elle va perdre quelqu'un, elle ne sera plus aussi inquiète d'un individu, son enfant, son mari, sa femme ou quelqu'un, alors qu'avant elle l'était. Elle aura à un moment donné le goût d'essayer des choses neuves, quelle que soit sa vie, quel que soit l'âge qu'elle a. Une chose neuve, ça peut être simplement de s'acheter un nouveau manteau. Bon, il y a des tas du monde qui mettent le vieux linge depuis longtemps, puis à un moment donné, ben, ils ont le goût de refaire leur garde-robe. Peut-être l'ego est habitué lentement. La personne va dire, tiens, ça me tente d'être à la mode. J'ai jamais été à la mode. On va dire, là, ça devient collectif. Non. C'est pas de la seule façon que l'ego peut supporter sa nouveauté, c'est de lui donner une raison collective. L'ego est en collectif. L'intelligence passe diplomatiquement, puis l'ego va dire, ah, ben, tu sais, le goût est à la mode. Je suis tanné. Mais c'est une mutation chez l'individu. Ses parents vont dire, voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive, crime, t'es à la mode maintenant. C'est nouveau. Il y a une mutation dans la conscience d'un individu. Mais pour que l'ego la supporte, l'ego va simplement dire, « Ben non, c'est simplement que ça va être comme tout le monde. » C'est pas une réincarnation, ça? Il y a des mécanismes réincarnationnels qui peuvent venir, disons, tamponner le contact supramental. Mais qu'est-ce qui fait changer complètement l'individu? C'est une manipulation supramentale. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, il va y avoir un mécanisme réincarnationnel qui vient de te faire changer quelque chose. Sauf que pour qu'elle te digère à ce point-là, il faudra qu'il y ait de l'intelligence supramentale qui vienne avec. Donc, il faudra qu'elle soit paramétrée, entourée, enveloppée d'intelligence supramentale pour donner une puissance d'impact. Sinon, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a des trucs, des choses concrètes, pratiques, que tout le monde voudrait connaître ou entendre, qui nous permettent d'être plus ouverts à l'intelligence instantanée? Oui, il y en a. Est-ce que tu peux en nommer quelques-uns, ou un au moins? Oui. Nomme-le donc. Bon, c'est bien, c'est des questions bien posées. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un contact avec l'intelligence instantanée? La première chose qu'il faut faire, c'est cesser de la rejeter. Et ce que je dis là peut changer catégoriquement la vie d'un être humain. Cesser de la rejeter, ça veut nécessairement dire être prêt à accepter de se faire tromper par l'astral, par le monde de la mort, qui va jouer à l'intelligence. Ça veut dire qu'à un moment donné, je m'en vais sur la route, et puis je ne sais pas quelle direction je dois prendre rendu à une fourche ou à une intersection, et puis je dois simplement m'en remettre à l'intelligence instantanée. Mais ce n'est pas de la foi. Je dois simplement me regarder les deux chemins et prendre celui qui m'impressionne le plus. Oh, je vais me perdre souvent. Mais c'est la façon d'arriver à un contact avec l'intelligence. Alors, je prends celui qui m'impressionne. Je regarde les deux chemins. Je ne réfléchis pas, « Ah, tiens, lui, peut-être que… » Non, laissons faire la logistique du mental. Si on accepte d'être suffisamment malléable, si on accepte que notre vie doit servir à nous plutôt que nous à la vie, fait que si tu te perds en allant à Québec, ça change quoi dans 10 ans de ta vie? Et 10 ans après, « Ah, là, 10 ans, je me suis perdu, j'ai perdu 1 heure. » Mais ça change foutrement quoi? Mais justement, parce qu'on veut éviter toutes ces choses-là qui, de toute façon, ne servent à rien, on perd le contact, on se fie à notre connaissance. Alors, tu regardes les chemins que tu dois prendre, et tu attends. Tu stationnes ailleurs que dans le chemin. Tu attends. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler l'instinct? C'est l'instinct que tu dois redévelopper, mais le problème, c'est qu'étant donné que tu as un ego, l'ego peut jouer à l'instinct. L'ego aussi va avoir raison. T'sais, si tu prends le chemin que l'intelligence te dit, que c'est pas l'ego qui l'a décidé, il n'y a pas de mérite. Puis l'humain veut évoluer avec du mérite. L'humain peut écrire, mais je m'en viens pas pire. Ça, c'est négatif, mais quand même, il dit ça. T'sais. Si tu te dis, je m'en viens bon, je le sais, il faut que j'aille à gauche, va à droite. C'est ça. Alors, lentement, l'humain, comme il y a des exercices qu'on fait, justement, de temps en temps, au niveau des sorties PMC, qu'Humberlandis trouvait ce qui est caché. Et l'une des choses que j'explique aux gens, alors on cache un objet, puis les gens sont tous les deux tournés, et puis celui qui est là doit savoir qui a l'objet. Et puis après ça, bon, on perd quelqu'un en pleine forêt, et puis là, on doit trouver la personne perdue. Puis jusqu'à date, on a des résultats à 90 %. Mais la première chose que... 10 % sont restés en forêt? Non, c'est les balles qu'on n'a pas trouvées. Alors, on a des radios, c'est bon, on les rappelle quand ça fait... Et puis, tu fais quoi? La première chose, c'est que la personne que tu es sûr qu'il l'a, tu l'élimines. C'est pas elle. Ça, c'est ton ego. Et justement, tu dois apprendre à accepter de te tromper. C'est ça qui est dur. Et quand je dis qu'un être humain qui accepte de cesser de refuser l'intelligence, ça marche. Mais il faut que tu commences par te perdre un peu. Comment veux-tu prouver à ton ego que de toute manière, maintenant, tu as décidé que tu marchais avec de l'intelligence? Si tu n'acceptes jamais de risquer l'intelligence. C'est évident qu'être humain n'a pas le discernement dès le début. Il ne sait pas c'est quoi. Moi, je te donne deux verres d'eau. Un avec du sucre et un avec du sel. Tu n'as jamais goûté ni le sucre ni le sel. Et là, je te dis, dis-moi lequel est quoi. Ben, tu vas goûter, tu vas dire, ben lui, il est ça. Hein? Tu goûtes à l'autre, ben lui, il est ça. Ils sont différents tous les deux, mais lequel est lequel, je ne le sais pas. Alors, l'ego, c'est la même chose. Avant d'arriver à discerner une copie conforme de l'intelligence et l'intelligence, il faudrait qu'ils apprennent à se perdre. Et à un moment donné, par essai et erreur, c'est typique de l'apprentissage de l'ego, eh bien, il va finir par connaître la saveur de l'intelligence et la saveur de la copie. Et là, finalement, il pourra discerner. Alors, à un moment donné, il va arriver dans une fourche et puis il va dire, bof, c'est pas... Non, il faut qu'il arrête et il doit observer les chemins, lequel il prend. Et c'est ça qui est la complication. On ne pense pas. On répète la question. Je vais à gauche ou à droite? À droite. Ça me tente d'aller à gauche. Je me suis dit, je suis fucké, mais raide. L'ego s'en mêle immédiatement. Bon. Ah, mais là, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je tire à pile ou face. Fais jamais ça. Lorsque, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Tu fais le tour de ton auto. Tu reposes la question. Je vais à gauche ou à droite. Et finalement, ben, observe les deux choses. L'humain doit prendre patience. Bon, je vais à droite. Je veux aller à droite. Puis du moment que je dis à droite, j'ai le goût d'aller à gauche. Puis quand je me dis, bon, je pars à gauche, là, je me sens coupable de ne pas avoir été à droite. Ben, ça, c'est l'humain. Mais là, il y a des saveurs différentes dans les deux chemins qui tirent sur toi. C'est là que l'humain doit commencer à décoder. Il ne saura pas lequel est vrai, mais il doit connaître la nuance. Parce que s'il y a une saveur particulière, puis il prend celui-là, puis il se perd, c'est la saveur de l'astral. Il faut qu'il connaisse l'eau salée et l'eau sucrée. Là, exact. Là, l'humain va dire, ouais, mais là, je me perds, c'est pas bien brillant. Prends ta carte, perds-toi pas. Puis tu auras toujours besoin d'une carte. Tu ne seras jamais brillant, mais tu ne le sauras pas. Mais tu ne seras pas intelligent, tu vas être intellectuel. La journée, tu n'auras pas ta carte. Il faudra maintenant que tu joues le jeu. N'ayant pas appris à jouer le jeu quand c'était le temps, tu vas souffrir de jouer le jeu. Alors, l'humain, il doit simplement observer. Puis là, à droite, c'est bizarre. Dans ma tête, c'est différent. Émotivement, c'est différent. Mon doigt, il shake à droite, puis il pousse à gauche. Il y a une nuance. Il y a quelque chose de très subtil, et c'est ça qu'il y a à faire, c'est que c'est subtil. Et qu'est-ce que c'est que la subtilité? C'est quelque chose qui est difficilement discernable. Plus on est impatient, plus c'est indiscernable. Alors, plus on est relaxé, plus on est conscient, plus ça peut être discernable. Alors, la personne, elle dit, bon, bien là, à gauche, ça ressemble à telle chose, à droite, ça ressemble à telle autre chose. Il doit mémoriser les deux choses. Il ne pourra pas le faire tout de suite, c'est tellement subtil, il faudra qu'il se perde une fois ou deux. Et puis là, il dit, bon, parfait, maintenant, je prends à droite. Et à droite, ça me donnait comme justice. T'sais, j'avais une vision claire. L'autre, ça me plaisait. Celle-là, c'était plus sûr. Analyse un petit peu, puis là, prends à droite. Si tu te perds à droite, sache que ce que tu as vu comme canal, comme vibration, comme ça, c'est typique d'un chemin qui est faux. Le problème, et ça, ceux qui ont fait le séminaire le savent, c'est que l'intelligence te donne une saveur. L'astral va essayer de copier la saveur. Alors, immédiatement, ça devient plus difficile à discerner. À l'instant où tu as compris un peu plus, ton ego aussi a compris un peu plus. Puis là, il colore un peu plus. Fait que là, tu te dis, là, je l'avais, je ne l'ai plus. Et oui. Puis là, tu continues à être patient, puis tu te rapproches. Mais l'ego expérimente. Lui aussi se rapproche de la perfection de la copie. Puis là, ben voyons, je l'avais, je l'ai encore plus. Ça devient de plus en plus subtil. Mais la subtilité, qui est de plus en plus difficile à percevoir, elle t'oblige une mutation de plus en plus parfaite. Tu deviens un être humain qui, avant, détectait la différence entre 0 volts, 10 volts, puis 20 volts. Là, maintenant, tu deviens un être humain qui détecte la différence entre 18, 19, puis 20 volts. C'est plus à coup de 10 volts, c'est à coup d'un volt. Puis lentement, tu détectes le millivolt. Puis lentement, tu détectes le microvolt. Ben voilà, l'appareil électronique qui détecte le microvolt est mauditement plus dispendieux, plus utile, plus sensible, plus raffiné, plus subtil que l'appareil qui détecte simplement, lui, tu brûles ou tu ne brûles pas. Bon. Alors, c'est ce qui arrive avec l'être humain. Lentement, l'être humain évolue. Lentement, l'être humain mute, se change. Et le seul problème qu'il y a, et comme je l'explique souvent, c'est que plus on est pressé, plus ça prend de temps. Donc, il faut attendre. Il faut le chercher sans le chercher. Il ne faut pas le chercher. Il faut le vouloir. Il faut se laisser l'exprimer. Il faut simplement comprendre l'intelligence. Premièrement, c'est évident qu'un individu qui dit, « Ben oui, mais je ne peux pas. Moi, oui. Moi, quand je me perds, je me perds. Puis quand je ne me perds pas, je ne me perds pas. » Oui, effectivement. Je ne peux rien à dire. Par contre, l'individu qui comprend effectivement que l'amour sur la planète Terre, c'est une illusion, souffrir d'aimer, c'est con. Puis chaque fois que tu aimes, tu t'ennuies, tu es jaloux, tu as peur, c'est con. Celui qui comprend qu'effectivement, de devoir toujours se transformer pour plaire aux autres, de devoir aller à un party pour bien paraître, pour ne pas être un casseux de party, de devoir en fumer une parce que tout le monde t'en a une puis insiste, là. Parce qu'on te demande qu'est-ce qui t'arrive, là, c'est nouveau, tu arrêtes de fumer, là, t'es manipulé, là. Ça t'embarque. Parce que tu veux faire adulte, tu drogues ou tu prends de la boisson, tu écoutes des musiques qui sont à la mode, 2 semaines après, tu l'aimes plus à mode. Fait que ce que tu aimes, ça a rapport à la mode, ça a rapport à la musique. Et lorsque l'être humain détecte que c'est con, lorsque l'être humain détecte que polluer, c'est con, lorsque l'être humain détecte un paquet de choses dans le genre, nécessairement, ça crée des chocs. Parce que l'être humain voit un paquet de choses idiotes, mais il ne voit pas l'intelligence sous-jacente aux choses idiotes. Alors, ça crée des problèmes. Mais l'être humain qui en arrive là, nécessairement, il doit devenir patient. L'être humain qui ne voit plus de but dans sa vie, l'être humain qui ne voit pas de but dans la mort, parce que l'être humain, c'est réincarnation, Dieu, etc., je sais foutrement pas. Puis là, je passe ma vie à prier Jéhovah, puis je meurs, puis là, Yahvé me reçoit comme une claque en train de faire, parce que Jéhovah n'existait pas. Faut prier le bon. L'être humain qui finit par abdiquer totalement à tous les schémas d'évolution, l'être humain qui abdique, c'est important, l'être humain qui a suffisamment d'intelligence, de vibration pour abdiquer, pour faire la grève de l'évolution par rapport aux archétypes, aux traditions, à tous les phénomènes de divinité, par rapport à toutes les structures spirituelles organisées. Il faut se laisser vivre. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? On peut dire n'importe quoi, mais se laisser vivre, non. Non? On ne doit pas se laisser vivre, on doit tolérer notre état de vie. J'emploie de temps en temps le mot « tolérer », mais c'est un mot qui est absolument génial du point de vue de ce qu'il contient en termes de conscience supramentale. C'est comme quand je parlais de l'attente active. C'est cela. C'est un paradoxe pour l'ego, mais c'est réel, c'est réaliste. Ce n'est pas un paradoxe pour la conscience supramentale. L'être humain doit tolérer. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes, et on doit tolérer l'état. Mais tolérer veut dire qu'on n'accepte pas. Se laisser vivre, bien, l'astral te chorie, bien, tu te laisses vivre, puis tu traînes le foin, tu chories tout. C'est vrai, c'est pas bon. Par contre, tu dois savoir, tu dois considérer comme étant intelligent. Et intelligent te permet nécessairement de penser que c'est accessible à toi. Parce que l'individu qui dit, ah oui, mais tu sais, c'est intelligent, si je suis pas intelligent, on peut pas. Ça n'a rien à voir. L'intelligence n'est pas tributaire de ce que l'être humain peut. L'intelligence, elle est intelligente. Est-ce que c'est intelligent telle chose? Tu sais, quand on parle, par exemple, la vraie voie, c'est de faire ce qui est juste. C'est un fait. Et là, l'humain va dire, oui, mais qu'est-ce qui détermine ce qui est juste ou non juste? Toi. Et là, on a le chemin parfait de l'évolution mutatoire vers la conscience supramentale qui libère l'homme, de l'animal humain. Le vrai chemin, c'est de faire ce qui est juste. Juste, c'est ce qui te vibre. Ça ne doit pas être une justice dépendante de la justice légale. Parce qu'il y a une nuance majeure au niveau de nos sociétés entre la loi et la justice. C'est deux choses. La preuve, c'est qu'il n'y a pas pareil partout. Oui, de temps en temps, ça se mélange. Mais ça se mélange comme ça. Là. Il y a une grande partie de la loi qui n'a rien à voir avec la justice. Bon, c'est autre chose. La justice, elle ne doit pas être déterminée donc par ce que tu penses qui est juste. C'est ce que je pense qui est juste qui détermine la justice. S'il est juste pour moi de tuer un écureuil juste pour rien, je le tue. Sinon, je suis un animal humain. Mais normalement, l'être humain qui vit de sa justice ne tuera pas l'écureuil, parce que c'est ridicule, stupide, inécologique, perte d'énergie et inutile. Mais l'être humain doit se permettre. L'être humain a tous les privilèges dans l'évolution ou sur le plan planétaire. Mais je parle de l'être humain, pas de l'animal humain. Présentement, on est encore confiné. Je trouve ça stupide. Mais je suis pris encore dans cette mécanicité pour l'instant, mais je suis pris avec. Je dis bien pour l'instant, je la tolère, c'est-à-dire que je n'en souffre pas. Mais ça ne durera pas. Mais est-ce que tu dois la tolérer ou est-ce que tu peux faire autrement? Non, tu ne peux pas faire autrement tant que tu n'es pas prêt. Présentement, toi, tu manges la viande de temps en temps. Ouais. Tu es donc encore assujetti au régime des prédateurs. Tu es un prédateur. Tu es donc hautement animal. Tu dois tuer pour manger. Tu fais donc partie du système qui réglemente l'écologie planétaire. Tu, présentement, c'est sûr que c'est une écologie artificielle, on réglemente la croissance des bœufs. On mange du bœuf. Si on n'en mangerait plus, il n'y aurait trop de bœufs. Les cultivateurs, les producteurs en auraient tellement que ça n'aurait plus d'allure. Fait qu'on mange des bœufs pour équilibrer le système. Bon. On mange de l'agneau aussi pour équilibrer, parce que sinon, ils produisent trop. On boit beaucoup de lait pour équilibrer. On est un prédateur. Et étant prédateur, nécessairement, on équilibre aussi. Vois-tu, on parle des guerres, mais la guerre fait partie du régime du prédateur. Un prédateur, c'est un animal qui a comme rôle exclusif au niveau planétaire d'équilibrer un système. Le loup équilibre le système des chevreuils, entre autres. Quand il y a trop de chevreuils, les loups mangent, ils vont, c'est le fun. Quand il y a beaucoup de chevreuils, les loups mangent. Quand les loups mangent beaucoup, il y a beaucoup de loups. Quand il y a beaucoup de loups, il manque de chevreuils. Vu qu'il manque de chevreuils, les loups meurent de faim. Là, on parle de famine, etc. Et on trouve ça normal et que c'est beau, l'harmonie de la nature. Dans l'humain, tu vas voir, c'est pas long, c'est pareil. Finalement, les loups mourant de faim, les chevreuils commencent à se reproduire. Fait que là, c'est que ça s'en va comme ça d'un cycle va-et-vient. T'as trop d'argent, t'en dépenses. Même chose. Mais la problématique humaine, c'est que quel est le prédateur de l'homme? Il n'y en a pas. Alors l'homme, il se répand comme un gaz. Alors nécessairement, le prédateur de l'homme devra être l'homme. C'est essentiel. Et regarde, dans une meute de loups, les femelles ne sont accouplées que par le chef. C'est logique. Celui qui a la génétique la plus forte, celui qui bat tout le monde, c'est lui qui engendre des petits, des louveteaux. Et les louveteaux seront tributaires, donc, du mâle, du supérieur, pas des quétaines. Mais dans la race humaine, c'est la même chose. Les guerres ont toujours été gagnées par les peuples puissants. Et nécessairement, ça colonisait. Disons que ça proliférait, ça faisait des relations. Ça connaissait bibliquement. Et ça avait un effet majeur au niveau de la génétique. L'intelligence... Lorsque l'intelligence descend chez l'homme, l'être humain doit être capable de supporter, de faire ce qui est juste. On va y revenir au début de la deuxième partie. Faire ce qui est juste, c'est le chemin. Et ce chemin-là ne se fait pas en gang. On peut être 25 000 à le faire. On peut être 25 000 à le faire en même temps. Mais on est 25 000 seuls dans le même autobus. On ne chante pas ensemble. Mais il se trouve qu'on chante en même temps la même chanson. Individuellement, en groupe. Oui. Tu sais, c'est un hasard si on chante la même chanson en même temps, mais on ne chante pas ensemble. Alors, on fait une pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, on revient.